Mercredi le 21 septembre, ici Dominique Lelièvre pour les informations. La relation du ministre Laurent Lessard avec l'entrepreneur Yvon Nadeau continue de le hanter à l'Assemblée nationale. Le ministre des Transports a avoué être ébranlé à la sortie d'une rencontre avec le commissaire à l'éthique. Laurent Lessard fait l'objet d'une enquête en lien avec la subvention qu'a reçue une entreprise de M. Nadeau, l'un de ses anciens conseillers politiques. L'opposition péquiste a allégué hier que M. Nadeau aurait pu bénéficier indirectement d'une autre subvention qui ont permis le développement du centre de ski du mont Adstock dans la région de Thetford Mines. Et ce matin, le premier ministre Philippe Couillard a pris soin de réitérer sa confiance en son ministre des Transports. Toujours sur la scène politique et toujours sur ce même thème de l'éthique et de l'intégrité, le premier ministre Philippe Couillard s'est retrouvé pour la deuxième fois à défendre un transfuge caquiste qui est désormais employé à son cabinet. La coalition Avenir Québec a fait parvenir une mise en demeure à l'ex-caquiste Yann Plante, qu'elle accuse d'avoir volé plusieurs documents de nature confidentielle et stratégique. Le chef de cabinet du premier ministre, Jean-Louis Dufresne, a reçu une mise en demeure également. L'affaire en rappelle une autre, celle du transfuge Frédéric Choteau, qui avait posé des gestes similaires. Philippe Couillard a de son côté évoqué un spectacle de diversion, invitant le chef de la CAQ, François Legault, à s'interroger sur les raisons qui poussent des membres de son parti à claquer la porte. Chez nous, à Québec, la population aura droit en fin de semaine à un aperçu des grands voiliers qui seront de passage l'été prochain dans le cadre des 150 ans de la Confédération canadienne. Le voilier espagnol El Galeón, qui sera de la partie l'an prochain, est de passage dans le port de Québec pour quelques jours. En fin de semaine, le public sera invité à monter à bord. Il s'agit d'une réplique d'un navire espagnol du 16e siècle. On a notamment pu l'apercevoir, ce navire, l'El Galeón, dans les films Pirates des Caraïbes, et désormais à l'intérieur se trouve un musée sur les activités maritimes des Espagnols à l'époque. Enfin, une entreprise de Laval se porte volontaire pour installer des mouchards sur les véhicules de la ville de Québec. L'objectif serait de suivre à la trace les déplacements des employés, question d'éviter des abus. La problématique avait été soulignée par le vérificateur général de la ville de Québec en 2014. Un porte-parole de la ville de Québec assure cependant qu'elle n'a pris aucune décision en ce sens pour le moment.